I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. De Subversion, celle du 4 novembre 2016. Je suis Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Et oui, gros spécial de 2h cette semaine, ça va facilement faire 2h ce show-là avec tout ce que ça comprend. Émission fort chargée, oui, justement parce que non seulement nous allons souligner au passage les 25 ans de deux albums classiques du métal, soit Carcass avec leur Necroticism, Discounting the Insalubrious, mais aussi celui des Floridiens de Eisturt, Night of the Stormrider. Mais nous aurons aussi une entrevue avec Yannick Saint-Amand de Despise Icon, lui qui va nous raconter un peu son trip au Japon avec le band en octobre dernier, ainsi que le making of de l'album, leur tout dernier album Beast, paru plutôt cet été. Et aussi également un regard intéressant sur la façon de faire moderne du recording. Et ça va être, je dirais, dans la deuxième moitié de l'émission. Et également, un peu comme je l'avais mentionné la semaine dernière, suite au départ de notre ami Martin Pelletier de The Affected, j'ai pensé faire comme ça un hommage à The Affected en mémoire de Martin Pelletier. Et à cet effet, nous aurons un entretien avec Vincent Peak de Groovy Aardvark qui a aimablement contribué en faisant part de ses souvenirs de Martin, son ami Martin et de The Affected en sa mémoire. Et comme si ce n'était pas tout, eh bien, on aura aussi des extraits d'entrevues exclusives que j'ai réalisé moi-même avec Martin en 2013. Alors, on va l'entendre se manifester en audio ici et là entre quelques chansons. Alors, manquez pas ça. Tout ça dans les deux prochaines heures. Alors, pourquoi pas y aller avec un premier bloc musical, hein? On va entendre justement ces albums Quart de siècle, ceux de Carcass. On va entendre un extrait de cet album, Necroticism. Également, deux formations floridiennes, Nasty Savage. Mais d'abord, Eisturt, avec un extrait de cet album Quart de siècle, Night of the Stormrider. On écoute Pure Evil de Eisturt, la Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back.

Décidément, c'est un album qui a bien vieilli, ce Necroticism de Scanting the Ancelabrious, par ce groupe de Liverpool qui sortait leur troisième album le 30 octobre 1991 sur E-Rake. Ça avait été enregistré au Amazon Studio de Simon's Wood, dans quelque part en Angleterre, avec Colin Richardson, que l'on a connu pour ses nombreuses productions, dont celle avec Bolthrower, Cannibal Corpse, Fear Factory ou Napalm Death, pour ne nommer que ceux-là. Formation qui comprenait à ce moment-là dans ses rangs Jeff Walker, Bill Steer, Michael Amott et Ken Owen. C'était le premier album d'ailleurs avec Michael Amott, le guitariste, dans leur rang. Groupe qui, à l'origine, aux alentours de 1985, alors qu'il jouait du hardcore punk, s'appelait Diz Attack. Et puis, un peu plus tard, Jeff Walker a joint un groupe qui tend son groupe Electro Hippies. Et de son côté, Bill Steer a fait de même avec Napalm Death pour se concentrer justement sur Carcass. En 2005, Necroticism s'est hissé au 294e rang des 500 meilleurs albums de rock et metal de tous les temps du magazine Rock Hard. Il en fallait pas moins pour confirmer le statut de culte, si on veut, ou vraiment pionnier du genre. C'est un peu un crossover entre le grindcore et death metal, quoique les membres du band avaient de la misère à s'entendre sur le véritable label de la musique qu'ils faisaient à ce moment-là. Peut-être aimant mieux lui appliquer le titre de progressif. Bref, c'est toujours agréable à redécouvrir cet album. Et puis, c'est pas mal le en tout cas, moi, à mon avis personnel, c'est pas mal le pic de ce groupe-là, en tout cas, du moins au niveau artistique et de l'originalité du matériel et du groundbreaking et tout. Bref, 25 ans pour Necroticism. Avant ça, on avait eu Nasty Savage avec Irrational de l'album Penetration Point de 1989, qui était leur troisième à ce moment-là. Ça avait été enregistré au Murray Sound Studio, évidemment. Avec Jim Morris. Et en début du bloc, les Floridiens de High Street avec Pure Evil, extrait de cet album Cœur de siècle, Night of the Storm Rider, qui a paru le 11 novembre 91 et sorti un peu plus tard au printemps suivant, en 92, aux States. Cet album-là avait sorti un peu sur le tard ici en Amérique. Produit par Tom Morris, lui aussi, coproduction avec John Sheffer, justement, leader incontesté de ce groupe, High Sturt. Et ça avait été enregistré en 15 jours, en septembre 91. Il est 17h55, vous êtes toujours sur le stream de Underground Québec Radio. Vous écoutez Subversion, peu importe l'heure qu'il est, pour ceux qui nous écoutent en différé, évidemment, via la plateforme SoundCloud ou autre plateforme à travers la galaxie. voici venu le temps de vous présenter ce segment consacré à The Affected et la musique de Martin Pelletier en sa mémoire. Segment où on entendra des extraits de leur unique démo 89 ainsi que la réincarnation de The Affected au milieu des années 90 avec les Mod Dogs et du matériel un peu plus récent aussi de The Affected. Un segment qui sera suivi, comme j'avais dit en début d'émission, d'un entretien avec Vincent Pic, qui va nous partager ses souvenirs de Martin et ses impressions des débuts de The Affected, étant lui-même un vieux de la vieille de la rive sud, de la vieille garde de la rive sud, évidemment. Et entre ça, certains d'entre vous vont peut-être reconnaître Martin lui-même dans des extraits d'entrevues que j'avais réalisés avec lui à l'été 2013. Suite à un concert qu'ils avaient donné au Bistrot de Paris, un petit bar sur Saint-Denis. Puis, j'avais eu la chance de parler à Martin à ce moment-là. Ça se peut que la qualité ne soit pas super écœurante, puisque ça n'avait pas été capté pour optimiser pour le passer à la radio, si on veut, mais plutôt pour un projet d'écriture. Ça se peut qu'on entende un voisin qui passe la tondeuse à un moment donné, mais bref, j'avais trouvé ça vraiment... sympathique à réécouter. J'ai trouvé que ça serait pertinent d'annexer ça dans ce segment-là. Alors, j'espère que vous apprécierez. Avant d'entendre Martin, je voulais vous parler un peu justement de The Affected. Comment c'est arrivé? En fait, il faut savoir que les deux frères, son frère bassiste, David, bassiste aguerri, et un bon compositeur, tout ça. Bon, les deux avaient un bagage un peu différent dans les débuts, mais on finit par s'unifier, hein, trouver des points communs, et ça a convergé vers ce groupe du nom de Megamorph, avec le batteur le Louis Bélanger, qui allait devenir évidemment le batteur de The Affected, avec deux autres musiciens, Jocelyn Maheu et Mike C. Plus tard, Louis Bélanger et les deux frères ont formé justement ce groupe The Affected, dans lequel s'est joint un autre ancien Spectres of Madness, qui était un ancien band de Louis également, Mike Cope. Alors ce quatuor est devenu The Affected en 88, ont enregistré un démo qui est sorti en 89, et peu de temps après, alors que David quittait pour les études, ça a mis fin au band, ni plus ni moins, et se sont dirigés du côté de Groovy Aardvark. En fait, Louis et Martin ont fait partie de Groovy pendant un an ou deux. Et par la suite, il y a eu la réincarnation Mod Dogs avec un album enregistré en studio d'une qualité surprenante qui n'avait jamais vu le jour finalement, mais que j'avais réussi à entendre à l'interne, heureusement, grâce à un ami de longue date, musicien originaire de l'Abitibi, Martin Ouellet, qui a lui-même rejoint The Affected en 2006, alors qu'il se reformait à ce moment-là. Et c'est l'année suivante qu'on les a vus aux 25 ans de métal au Club Soda, ce festival des 25 ans du métal québécois organisé par Maurice Richard pour la soirée des années 80, où ils avaient ouvert pour Damnation, Soothsayer et DBC. Alors, ouais, puis c'est à ce moment-là que j'avais réalisé vraiment que ce band-là, c'était un peu une espèce de mélange. Ça sonnait un peu comme une fusion improbable, je dirais, entre Crumbsuckers et Testament. En bref, c'est tout le bagage individuel de chacun de ses membres, du hardcore au metal et au punk et au funk. Particulièrement cet élément-là, particulièrement à cause du bassiste Dave, qui fabriquera le langage unique et dynamique de The Affected. Contestataire, rigoureux et sans merci, dans une fusion métallique avec un haut niveau d'exécution. Et c'est ce qu'ils avaient démontré d'ailleurs aux 25 ans de métal. Donc le band a fait des premières parties de groupes comme DBC, Groovy Aardvark, MDC, Oblivion entre autres. Et dans la courte période qu'ils ont existé, ils ont quand même eu l'opportunité, si on veut, de faire partie de d'événements quand même assez importants comme le Festival des Lundis Noirs en 89, qui avait été organisé par les membres de Groovy Aardvark, ainsi que les 25 ans de métal, ou pour ne pas dire les 25 000 ans de métal, du métal québécois, comme disait Martin Pelletier lui-même. Bref, parlant de Martin, on va l'entendre à l'instant, avant deux extraits du démo qu'on va entendre, du démo 89, soit The Affected et Shut Up and Roll. Alors, je vous laisse avec Martin Pelletier. Quand tu parlais de ton frère tantôt, le fait qu'il y avait un background différent, est-ce que c'est ça qui a apporté le jeu de base funk ou les espèces d'éléments Il y avait déjà une effervescence de missage de style métal à ce moment-là. Oui, oui. On trippait beaucoup sur des bands comme Bad Brains, 24/7 Spy. Oui. On aimait ça beaucoup. Mais on trouvait aussi Slayer, Metallica, Lego Canon de cette époque-là, Testament. Fait que je te dirais que, regarde, c'est une question d'influence. C'est sorti comme ça. C'était pas nécessairement voulu, mais Dave, mon frère, il portait comme un king, mon gars. Ouais. Là. Ah, puis, man, il partait là, des jams avec lui, là, des fois, là, ça avait même pas de pile de mon sens. Ça, on a exploité ça, puis lui, tu sais, des riffs à côté, c'est le gros beat, ta-ta-ta-ta-ta, mais lui, il faisait ça avec le pouce, tu sais, ça percutait en tabarnouche. Vraiment efficace. Justement, j'ai des petits flashs quand vous avez, t'as sûrement des souvenirs toi aussi de ça, quand vous avez joué au festival au Spectrum que tu mentionnais. Il y a des images qui ont passé à Solid Rock. On voit le bassiste faire son jeu là, à un moment donné. Oui, c'est vrai, avec sa tête super ronde. C'est ça l'image que j'ai. Ouais, c'est vrai. Oui, je me rappelle de ce flash-là. C'est dans le le générique de Solid Rock, quelque chose comme ça. Ouais. Il a fait un spécial scène Metal Québec, Metal Québec, quelque chose comme ça. Ouais, puis... ouais, puis on le voyait. Ouais, ouais, c'est ça. J'avais encore ça. C'est ça sur VHS. Ah oui. C'est ça, ça défilait en rafale sur une toune de Soothsayer, puis à chaque, avant chaque pause, puis on voyait les, évidemment ouais, les flashs ouais, de chaque ouais, bande. Je sais pas, tu veux dire, je sais pas, tu veux dire. Oui, c'est un reportage, effectivement. Ouais. C'est ça sur VHS. Ah, c'est bien, me semble. Donc, j'ai bien renseigné. ça a été toute une époque avec Dave, là. Ouais. Donc, comment ferait ça, mon gars, n'importe quand. J'ai beau regarder en dessous de ses côtés, j'ai même pas vu d'aimant, rien, puis la table, elle se promenait. Hey, hey, la table se promenait, trois choses, la table leur volait quasiment dans le front. Ben oui, tu sais. Qui sont les paroles du message subliminal obtenu en message renversé? La table bougeait tellement, là, que d'après moi, l'esprit est en beau calvaire. Plus, ça se parle quasiment deux fins de semaine à travers ça. Lay across my big grand space. Ah, mais moi, je pense que je vais croire à ça. C'est tant que j'ai vu la femme brasser comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ça, ce connerie-là? C'était de ridicule. Ridicule. C'est de la bullshit, OK? For they enter into the fearful state of the undead. Thank you. sais, quand j'étais chaud, là. Oui. J'étais enfant, tu sais, j'aimais vraiment ça, le rock'n'roll. Puis je me rappelle, en 80, j'avais 10 ans, j'ai acheté le premier Van Halen. J'ai mis ça, là, à ce petit mon gars, ça a changé ma vie. Ouais. Quand j'ai entendu comme le début du Really Got Me, c'est rien, tu vas me dire, là, mais même quand j'avais 10 ans, j'ai entendu ça, là, il y a une petite déclic dans la tête, mon gars, genre, moi, je veux jouer la guitare électrique. Ah ouais. C'était même pas pour devenir bon comme Van Halen. C'était vraiment juste pour faire. Je me suis acheté une guitare électrique quand j'ai eu du cash, probablement à 12-13 ans. Là, une Riviera, une copie de Les Paul noire avec hardware gold. Ouais. Une horreur. Avec un petit tampi PV gros comme ma main. Là. Mm-hmm. Puis là j'ai gratté, mon gars a gratté. Puis mon frère a commencé à jouer la bass aussi au même moment. Ouais. Open Mind des Mud Dogs, la réincarnation de The Affected de 1994, extrait de cet album Unreleased, si on veut, qui n'a jamais vu le jour. On souhaite bien que ça soit édité et distribué à un moment donné, puisque la qualité d'enregistrement et l'exécution, tout ça, la performance, le matériel lui-même est relativement étonnant. Pièce qui avait servi de promo également. pour ce fameux événement en 2007, les 25 ans du métal québécois, alors qu'ils se sont présentés là. Moi, personnellement, j'avais... alors que Maurice Richard, l'organisateur, cherchait des bandes potentielles pour combler la grille horaire de ces trois journées-là, et les années 80, 90 et les années 2000, cherchait des bandes susceptibles de se ressusciter, et étant donné que j'avais su que The Affected s'était ressuscité avec mon ami Martin Ouellet, j'avais fortement suggéré à Maurice le band The Affected de se joindre à ce festival, et je peux vous dire que j'étais très fier de les voir sur scène. Il n'y a pas beaucoup de monde à leur set, puisqu'ils ouvraient évidemment la soirée. Il faut savoir aussi que la gang de Soothsayer, là, qui était descendue de Québec dans un autobus scolaire rempli à craquer avec, pareil comme les années 80, avec des têtes qui sortaient des fenêtres, une scène digne des Simpsons, là. On montait à la côte là, sur la rue Saint-Laurent, là, proche de dans le quartier chinois. Vers le club Soda. C'était vraiment hilarant de voir ça, mais cette gang de fêteurs-là, ils n'étaient pas arrivés encore dans la salle à ce moment-là. De très beaux souvenirs de ce concert, une performance éclatante de The Affected à ce moment-là. Avant ça, on avait eu The Affected, hein, évidemment, mais alors qu'il s'appelait The Affected sur le démo 89 avec deux extraits de ce démo. Unique démo. The Affected et Shut Up and Roll. On s'en va en pause? D'accord. Après cette pause publicitaire, on revient avec Vincent Pic. C'est un plaisir d'être ici au nouvel emplacement de la cage au sport sur le rugby. Tout comme celle du Vieux-Montréal, vous pouvez y déguster une généreuse portion de côte levée et poulet avec des amis comme Larry Robinson. Laisse-moi les rondelles d'oignons. Bien sûr, Larry, c'est une des spécialités de la cage au sport. Bon appétit. Merci, Pierre, et bon appétit. La cage au sport, maintenant avec deux emplacements, dans le Vieux-Montréal et Rugy, au sud de Sherbrooke. Pour ceux qui viendraient de se joindre à nous sur le stream d'Underground Québec Radio, vous êtes à l'émission Subversion, et émission consacrée, du moins dans cette première heure, en partie, la mémoire de Martin Pelletier, sa musique The Affected, les Mud Dogs et autres formations dans lesquelles il a fait partie, comme va nous en parler Vincent Pic dans l'entrevue qui va suivre à l'instant. Vincent qui nous partage ses impressions de son vieil ami Martin Pelletier. Alors voici cet entretien avec Vincent Pic. Fait grand plaisir d'avoir au bout de la ligne nul autre que Vincent Pic de Groovy Aardvark. Je pense qu'on était dû après 57 semaines de l'émission Subversion de jaser à un moment donné. Puis et cette fois, on va parler de son grand ami Martin Pelletier, oui, qui l'a bien connu. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. Bonjour, content d'être là. J'aurais préféré que ce soit dans des conditions un peu plus lumineuses. Oui. Par contre, ça me fait plaisir de partager quelques moments et anecdotes avec ce cher grand ami que sera toujours Martin Pelletier. Oui. Premièrement, toi, comment tu l'avais rencontré, Martin? J'ai rencontré Martin au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil en 1985, alors qu'il était dans le groupe Megamorph. OK. Avec, à ce moment-là, son frère David Pelletier, il y avait Louis Bélanger. Mike C, qui a fait Reactor plus tard, et leur ami Jocelyn. Si je me rappelle bien, la toute première fois que je l'ai rencontré, c'est dans l'autobus 88 qui mène Cégep Édouard-Montpetit au métro Longueuil. Puis on avait jasé là, il avait sa guitare sur le dos, il avait son perfecto, il avait les cheveux longs, il lookait à la planche. Puis j'étais naturellement attiré vers ce genre de personnage-là parce que je capotais sur le métal aussi. Oui. Fait que ça a été une rencontre immédiate, si tu veux, et tout à fait naturelle sur notre amour de la musique. Et puis, on est restés amis exactement à ce moment-là. Donc, par la suite, J'ai eu la chance de rencontrer Louis Bélanger, avec qui j'avais des cours de philo au cégep aussi. Puis on partageait notre amour de Metallica, qui en fait, ça c'était en 84, j'ai rencontré Louis un petit peu avant. Oui. C'est, c'était le début, avec Kill 'Em All. Je pense que Ride the Lightning sortait, puis bref, c'était basé qu'un punk rocker comme Louis, parce qu'il y avait un gros mohawk à l'époque, hey, un logo de Metallica à travers ses logos de punk, tu sais. Ouais. Moi, j'étais plus rocker, fait que je trouvais ça basé, parce que le crossover existait à peu près pas encore. Mm-hmm. Louis, je pourrais dire, c'est un des premiers à afficher son côté métal, alors qu'à l'époque, c'était supposé être un ou l'autre. Ouais. Bref, là, j'ai réalisé que Louis connaissait Martin, puis bon, on est devenu tout chum comme ça. C'est ça que ça a commencé comme ça. Là, The Affected n'était pas formé encore. Là, The Affected sont arrivés sur la scène quelques années plus tard. La première fois que je les ai vus, c'était à Brassette du Maxi à Longueuil en 88. C'était leur tout premier show. Et on les avait pas vus jamais encore, ou sinon très peu. Mais bref, ça a été une révélation pour moi et les amis de Groovy, alentour, toute la bande de Groovy. La décharge d'énergie et d'idées musicales qui sortaient de ce band-là faisait, en fait, de eux, mon band metal préféré de 1988, sans aucun doute. Il y avait une inventivité là-dedans que David Pelletier avait amené, puis son grand génie musical, David Lefrère, et un niveau d'exécution qui était très... qui était au-dessus de la ligue, tu sais. C'était, il était plus fort que toutes les bandes métal que je connaissais à l'époque, à part peut-être DBC. Uh-huh. Mais sur la Rive-Sud, il y avait vraiment eux qui se sont démarqués par leur prouesse technique, puis l'incroyable idée riche musicale qui sortait de la tête à David Pelletier. Fait que c'est devenu rapidement, comme je dis, mes bandes préférées. Puis c'était plus naturel que Groovy les invite à faire le tout premier festival du Lundi Noir au Spectrum en janvier 89. Et puis, parce que je tenais vraiment à leur donner un coup de main autant que possible, puis à les faire jouer devant le plus de monde possible. Et ça avait eu un bon impact, puisque Paul Sarrazin de Musique Plus et de Solid Rock avait fait un spécial d'une heure sur le Festival du Lundi Noir, puis ça avait donné à chaque band, donc DBC, Soothsayer, Defected, puis Groovy, un petit topo d'une douzaine de minutes chaque à Musique Plus. Fait que c'était très gros à l'époque. Oui. Fait que, donc, on s'est jamais lâché depuis ce temps-là. Concernant avec Groovy Aardvark un peu plus tard, on sait que Martin a fait partie de Groovy pendant un certain temps. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 92, je me rappelle bien, Stéphane Bugeant a décidé de quitter le band. Stéphane était le guitariste principal, c'est pas mal lui qui avait parti le band. Il est allé vers Beaucieux. Et puis on a été un trio pendant un certain temps parce qu'on avait de la misère à trouver un autre guitariste. Puis on était en pleine écriture de ce qu'allait devenir Eater's Digest, le premier album. Fait que on a été des mois à jouer à trois. Puis je pense que quand Defected, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que David Pelletier a décidé d'aller étudier le jazz à Berkeley, aux États-Unis. Donc ça l'a arrêté le band de cette façon-là. Fait que Martin puis Louis avaient plus de band. Mm-hmm. Fait que on a intégré Martin et Louis dans Groovy. Fait qu'on est passé de 3 à 5. Et c'est cette formation-là qui a tapé à peu près toutes les démos et toutes les pré-prods de Eater's Digest, qui allait être notre premier album. Et donc, sur ce premier album-là, la moitié de ce qu'on entend au niveau de la guitare a été faite par Martin Pelletier, et la deuxième moitié a été faite par Martin Dupuis, qui a embarqué lui un peu plus tard. OK. Ça veut dire qu'il les a composés, les parts qu'ils ont enregistrés? Il a enregistré les parts, il a aidé avec certains arrangements. Il y a certains arrangements sur particulièrement une tune qui s'appelle 181 degrés triangle. Il y a un riff là-dedans qui appartenait à The Affected. C'était mon riff préféré de The Affected. Ah oui. Puis quand j'ai su que c'était Martin qui l'avait écrit, ben, il nous l'a laissé. Fait qu'il y a ce petit bout de musique-là qui lui appartient dans notre discographie. Par contre, ce bout-là, 181, c'est pas ramassé sur l'album. C'est ramassé plutôt par la suite sur un album compil qui était un service rendu. Donc, en tout cas, ça existe. Et puis, Martin a fait tout ce qui est solo, pas mal, sur Eater's Digest, ça lui appartient. Puis Martin a pris la relève quelques mois par la suite, parce que ce qui est arrivé, c'est ça. Martin puis Louis ont décidé de repartir, de reformer The Affected en 94. Fait que là, on a remanié le band, puis c'est là que Martin Dupuis est arrivé. Fait que Martin, Pelletier et Louis ont été dans le band à peu près 2 ans. concernant Martin encore, justement, quelle particularité tu retiens du personnage, puis comment tu décrirais Martin à quelqu'un qui l'a pas connu? Martin, c'était un des gars les plus drôles que je connaisse, puis certainement les plus rieurs. Il avait une espèce de voix haute perchée, qui, il parlait très très vite, puis il finissait tout le temps en riant, un peu comme Yvon Deschamps. C'était un gars extrêmement lumineux, je vais dire. Oui. Il avait pas l'attitude de rocker ténébreux du tout, du tout. Oui. C'était un gars qui était... c'était comme un soleil, c'est pour vrai. Il était toujours de bonne humeur, aussi, puis il était tout le temps upbeat. Tu voyais jamais down, tu sais. Puis il jouait de la musique de la même façon, de façon rapide et frénétique. Puis je trouvais que son playing concordait parfaitement bien avec sa personnalité, ce qui est souvent le cas des musiciens d'ailleurs. Ouais. Martin, c'est un gars qui adorait rire. Certains des meilleurs souvenirs que je garde de cette époque-là, c'est après les jams, on écoutait les tomes 1 et 2 de François Pérusse. Ah oui. Ça venait de sortir. C'était comme encore très, très frais. C'était tellement drôle. Lui, il capotait là-dessus. On le réécoutait, puis il arrêtait jamais de rire. Ouais. Pour alléger un peu la tension, quand en studio, ça va un peu mal, puis la tourne à l'avance, pas whatever. Là. Ouais. On n'a pas eu une bonne session, mais on mettait du François Pérusse, on craquait ça, puis on fait cramper aux larmes pendant une heure. Ça, c'est ça. Martin, c'est un gars qui adorait l'humour, puis aimait ça la partager. C'est un gars extrêmement drôle. Puis il a fallu connaître The Affected vers la fin. Quand Martin est devenu frontman pour réaliser à quel point ce gars-là, il était capable d'en sortir des bonnes entre les tunes, tu sais. Ça démontrait un peu son côté joker. Je te dirais que c'était sa qualité première, c'était son sens de l'humour. Puis tu sais, je l'ai jamais vu poigner les nerfs après personne. Il était super patient. Puis c'est d'autant plus triste que ça soit lui qui soit affligé d'un cancer. Tu penserais jamais que ça serait ce genre de personne-là qui poignerait ça. C'est ça que je comprends pas dans cette histoire-là. Mais bref, alors, c'est ça que je te dirais. Je retiens un gars qui riait presque tout le temps. C'est vrai que c'est dans le domaine de l'incompréhensible ce qui est arrivé. Puis de son côté humoriste, justement, j'ai eu la chance de voir le band une couple de fois dans la dernière reformation, si on veut, puis même depuis les 25 ans de métal. Puis écoute, je vois son côté vraiment stand-up, là, quasiment, là, des bouts, là. Ouais. C'était très contagieux, si on veut. Ouais. C'est vrai, c'est ça. C'est ce qu'on a tout retenu de lui. Puis je peux t'affirmer que je l'ai connu comme ça. Oui. On parle de 31 ans, là. Puis Martin, pour moi, il a toujours été le même gars. Fidèle à lui-même, fidèle à son style, puis fidèle à ses convictions musicales également. C'est surtout juste un grand, grand tripeux de métal et de riff. Je parlais des 25 ans de métal, justement. Est-ce que tu étais là? J'étais pas là cette année-là parce que j'avais un show. Ah, OK, c'est ça. Moi. Ouais. C'est mon frère Danny qui avait chanté. Ah, oui, OK. Ouais. Oui, justement, j'avais interviewé Martin en 2013, pas longtemps après un show. Un show, d'ailleurs, parce que tu étais présent au petit bar sur Saint-Denis. Je me souviens plus du nom, là. Au Bistrot de Paris. Oui, c'est ça, oui. Oui. Puis, c'est ça, on jasait de... on jasait de ça durant l'entrevue, justement, qu'il avait trouvé un chanteur là, un peu à la dernière minute pour faire l'événement. Il commençait la soirée des années 80 là, avec DBC et compagnie, Soothsayer aussi. Effectivement. En tout cas, ça a été vraiment un beau souvenir personnel, là, je te dirais. J'étais vraiment fier de pouvoir avoir enfin ce band-là. C'était vraiment captivant. Le côté performance et tout, là, c'était tout un bang. Si, je pense que si David était resté au Québec, et s'il y avait eu moindrement un peu plus de chance, l'Affected aurait certainement pu percer à l'international. Ouais. Parce qu'il y avait certainement le talent qu'il fallait. Il y avait les tunes. Il était même, comme je te dis tantôt, il était au-dessus ben des bands qui ont eu beaucoup plus de succès qu'eux. Mais c'est souvent une question de timing, puis de circonstances, t'sais. Les circonstances n'ont pas été en leur faveur. Et puis, ceux qui les ont connus vont toujours dire que ça reste un des meilleurs bands metal qu'on ait connu. C'est un peu dommage qu'ils n'aient pas pu aller plus loin que ça. Mais en même temps, ces gars-là, ils se sont jamais plaints de ça. T'sais, c'est des gars qui ont eu des jobs, puis ont eu des enfants, puis ont fait leur vie. Et ils ont été heureux à continuer à faire ce qu'ils faisaient, malgré que ça reste très local. Bon, on en garde des bons souvenirs de Martin, puis je te remercie, ben gros, Vincent, d'avoir partagé ça avec nous. Moi, je ne souhaite que du bonheur et courage à sa famille, à Roxane, aux filles, à David, à ses parents, et puis de leur souhaiter de retrouver un semblant de normalité en route vers un bonheur renouvelé. Très bien dit. Merci, Vincent. On se reparle bientôt. Salut. OK. Merci, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. C'est pas content. Il y a 10 piastres pour vous à part. OK. All right! Yeah! Yeah! Ouais. On fait l'autre voyage dans le temps encore beaucoup plus profond. Dans le sens de profond dans le temps. Merci. Avant l'indicatif, nous avons entendu évidemment The Affected avec un extrait de leur seul album et album éponyme de 2012, Slavery. Album qui a été distribué à faible tirage, évidemment. avant ça, bien évidemment, l'entrevue avec Vincent Peake de Groovy Aardvark, autre chose, Floating Widget et nombreux projets. Qui a eu la gentillesse de nous accorder cette entrevue afin de partager avec nous ses souvenirs de Martin Pelletier et ses observations relativement à The Affected, un band qui heureusement s'est reformé en 2006 et on a pu apprécier tout le côté justement technique et entertainment de ce band et les prouesses vraiment instrumentales. Martin qui est un solide guitariste à part de ça, en plus d'être pratiquement un stand-up comic sur scène. On parlait de Groovy Aardvark, justement, on va en entendre dans le prochain bloc et on va entendre aussi Barf. Barf qui célébrait évidemment au Club Soda samedi dernier leur 30e anniversaire. Hein. Ils sont sur une tournée également qui va les mener un peu partout, là, Drummondville, Waterloo, Saint-Eustache, tout ça encore. Et ils ont été intronisés au Panthéon du rock and roll québécois aux côtés de Voivod et autres choses. Et puis, Vincent lui-même, il était présent, non seulement il était présent, mais à titre de DJ attitré. Et il va nous en parler la semaine prochaine. On va l'entendre puisque la semaine prochaine, presque assuré à 100%, nous aurons les entrevues avec les membres de Barf. On va se donner rendez-vous ce soir même au bar Le Patriote à Saint-Eustache, où ils partageront la scène avec Démence, qui, eux, sont sur une lancée pour les 20 ans de l'album Total Démembrement. Alors, ça promet d'être une belle soirée, puis donc, on entendra également les commentaires et les souvenirs de cette fameuse soirée du 29 octobre, plutôt, au Club Soda avec Barf. Donc, on y va tout de suite en musique avec ces deux pièces qui seront suivies de l'entrevue avec Yannick Saint-Amand de Despise Icon. Manquez pas ça. Alors, tout de suite, Groovy Aardvark, mais d'abord Barf avec Welcome to Us, Blasting All Rotten Fuckers, live au Club Soda. Subversion sur Underground Québec Radio. Oh yeah! On arrive à un moment pas mal de fun, je pense, du concert. À partir de maintenant, on va jouer exclusivement des chansons de l'album Tumulte, le premier album de Barf. Est-ce que vous rappelez du premier album de Barf? 1992! Like I tell you what you gotta do, dog. Get the fuck out. Groovy Aardvark, hein, avec notre ami Vincent Peake. La pièce était Apolitical, une vieille pièce du démo, je pense que c'était sur One Fine Day. Cette relecture est parue en 2000 sur une compilation qui s'intitule Fast Times at Longueuil High, des temps rapides dans le haut Longueuil. C'est pas tout à fait ça. Bref, une compilation qui reprend ni plus ni moins des enregistrements qu'ils ont fait paraître sur leur démo, justement, entre 86 et 91, je crois. Puis, c'était précédé, évidemment, de Barf avec Welcome to Us, qui est apparu originalement sur l'album Tumult, hein, en 92, qui a été réédité en vinyle tout récemment, aussi dans le cadre de cette tournée 30e anniversaire. Et en fait, la version qu'on a entendue, cette version live directement du Club Soda, ici même à Montréal, le 29 octobre dernier, dans cette fameuse soirée qui les honorait. Barf sont en concert ce soir à Saint-Eustache. Ils seront aussi à Waterloo le 5 novembre, c'est-à-dire demain. Également, Drummondville le 11 novembre, Repentigny le 19 novembre et à Québec le 17 décembre pour les intéressés. Et de dire Marc Vaillancourt, just get the fuck out, cause we blast the fuckers out, we keep the trashers dancing and we blow our noise too loud for you. Alors, apparemment une soirée fort mémorable au Club Soda samedi dernier. Et nous aurons les impressions des membres du band ainsi que de Vincent Peake lui-même la semaine prochaine dans l'émission de Subversion. Alors, c'est un rendez-vous. Il est l'heure que vous voulez présentement, puis ça va être le temps de passer à cette entrevue avec Yannick Saint-Amand de Despise Icon, lui qui œuvre en tout cas majoritairement derrière le soundboard, que ce soit en studio ou que ce soit en concert. Et puis il va nous raconter leur trip au Japon, ainsi que le making-of de l'album Beast qu'ils ont fait paraître plus tôt cet été. Et également des observations quand même pas mal intéressantes sur la façon de faire moderne du recording. Donc, allons-y tout de suite avec cet entretien avec Yannick Saint-Amand, avec Despise Icon. Bon, présentement, j'ai au bout de la ligne, en direct de Ville-Montel, en Abitibi, le maître du Northern Studio là-bas, nul autre que Yannick Saint-Amand de Despise Icon. Salut Yannick. Hey, salut. Ça va bien? Ouais, très bien, toi? Oui, ça va. Ben, merci premièrement de nous accorder ce temps. Merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment cool. Puis, on sait que Despise Icon sont récemment... aller faire un périple un peu hors de l'ordinaire. Hein. Vous êtes allé à New York, mais avant ça, vous êtes allé au Japon, ce qui n'est pas rien. Ouais. Puis, je voulais en fait que tu me racontes un peu ton expérience, ta perception personnelle de ce voyage-là avec le band. Je ne suis absolument pas un fan d'avion. Donc, avant même de partir, j'étais très, très, très, très, très anxieux de me taper 14 heures de vol one shot. Fait que ça a parti avec un drôle de feeling, mais qui s'est transformé en une belle expérience parce que ça a vraiment super bien été. Puis, oui. Ça a été un vol merveilleux, là, vraiment. Là, j'ai absolument rien à dire. Donc, on a fait ça Montréal-Toronto, ensuite Toronto-Tokyo direct. Donc, ça a vraiment bien été. J'ai réussi à chasser mes démons pendant un certain temps. Fait qu'un coup rendu là-bas, c'est ça, 13 heures de décalage, on est un petit peu perdu, mais ça, je le sais pas, c'est passé de quoi de vraiment, vraiment cool. On était bien, on était reçus vraiment par une équipe là-bas, hors pair, là, l'accueil, le logement, tout ça, ça a été vraiment, là, ça a été vraiment, vraiment, vraiment très, très, très, très bien. Je dois vous avouer que c'est assez déstabilisant de débarquer là-bas. Oui, sans doute, hein, ça doit être tout un clash. Un clash. Puis, ouais, c'est ça. Puis, en fait, ce que je retiens le plus là-dedans, c'est étrange, la sérénité que les gens ont là-bas. Tout le monde a l'air zen et certaine, oui, autant qu'il y a du 100 000 personnes au pied carré, que les gens ne semblent pas stressés, c'est spécial. Je pense qu'il faut le vivre pour vraiment comprendre c'est quoi. C'est quand même assez unique comme feeling. Ah, sans aucun doute. Par rapport au concert lui-même là-bas, y a-t-il quelque chose de particulier chez la crowd japonaise que tu as remarqué? Moi, je te demande ça parce que j'ai vu une vidéo récemment d'Exodus qui était de passage à peu près dans les mêmes temps. Puis je regardais le pit, là, le pit circulaire, puis il tournait en sens contraire de ce qu'on est habitué de voir dans les shows. J'ai pas remarqué ça, mais la chose en fait que j'ai remarqué, on a fait un festival, c'est ça, puis il y avait quand même pas mal de monde, peut-être mille personnes, 1000-1002. Ah oui. Et de voir à quel point les après-tournes étaient respectueuses et silencieuses, comme tu sais, le groupe finit de jouer, c'est des applaudissements vraiment polis et pour que ça break. C'est spécial, c'est vraiment, la semaine d'après on était à New York, puis j'avais peur pour la vie de certaines personnes dans le crowd, fait que c'est absolument pas la même énergie là. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que j'ai entendu dire il n'y a pas longtemps que dans les années 70, la crowd japonaise ne savait pas comment réagir quand les bandes de rock, mettons d'une certaine stature comme Deep Purple par exemple, ne savaient pas comment réagir. Puis là, ils se faisaient dire qu'ils étaient trop quiet. Puis à un moment donné, quand Cheap Trick sont allés là plus tard, ils se sont mis à virer fou comme si c'était la Beatlemania. Fait que là, en 2016, ça serait redevenu justement comme dans le temps de Deep Purple finalement, avec beaucoup de respect entre les deux. Ouais, il y a quand même une énergie, il y a quand même une drive. Que le monde sont. Le monde, écoute, ça flash, ça se rentre dedans, c'est d'une violence sympathique, là. C'est pas. Ouais. c'est dans le respect, puis ouais. C'est tout à l'image de ce que j'ai ressenti pendant notre semaine là-bas, là, tu sais. C'est vraiment spécial de voir ça, puis en même temps, c'est tout en leur honneur, là. C'est un bon. J'ai l'impression que c'est le même qu'il faut vivre. Là. en fait, c'est ça que je veux dire. Dans le fond, il n'y a pas d'animosité. Tout se passe dans l'harmonie. Oui, exact. Vraiment. Vraiment, dans le respect. Puis ouais. Le crowd est attentif. Les gens sont là, se sont déplacés, sont là pour écouter. Puis ouais. C'est ça. C'est vraiment beau à voir. C'était vraiment cool. Tu as déclaré, en ce qui a trait à ta contribution au band, parce que toi, tu étais derrière la console pour les derniers concerts de Despise. C'est ça, en fait, ce retour, le retour du band et mon retour en fait en tant que membre du band, c'est un caucus qu'on a fait ensemble, étant donné que j'ai quitté le band en 2007, mais c'était pas dans un but de toujours en faire. Ça, c'est vraiment la famille qui m'a amené. J'ai pris conscience qu'il fallait que je sois là pour mes enfants, puis tout ça. Oui. Fait que la vie de tournée, c'était un petit peu difficile. Fait que je suis parti, tu sais, dans une optique de... j'étais pas en conflit avec personne, puis je suis pas parti en disant je veux plus rien savoir de vous autres. J'ai toujours quand même demeuré là. J'ai quand même continué de faire des tournées avec les gars. J'ai continué de faire des albums. Fait que j'ai toujours été dans un... On peut dire toujours un membre, même quand j'étais plus là, et j'ai eu ma contribution, Eric m'envoyait les pré-prod, on écoutait ça. J'ai toujours eu une implication quand même indirecte avec le groupe. Quand on a fait la tournée réunion en 2014, je crois, on est allé faire une run de show en Europe, puis je m'y fais. Fait que là, ça s'est tellement bien passé, la chimie entre toute la gang, les vieilles rancœurs étaient toutes disparues, tu sais, fait que c'était vraiment une belle ambiance, fait que les gars ont commencé à penser à reformer le groupe. Puis après ça, on s'est assis parce que moi j'avais le goût de revenir aussi, tu sais, sauf que Benoît qui m'a remplacé à la guitare, lui, n'a jamais quitté le band, tu sais, ça se me voyait mal de le tasser de là, puis de dire hey, c'est ma place, tu sais, ouais. Donc en jasant avec ça, les gars m'ont appelé, m'ont fait une offre. C'est Eric qui m'a appelé, m'a dit, gars, on a discuté de ça avec les gars. Puis, c'est un membre à part en faire du band, même si c'était plus sur le stage, tu sais. Fait que, je suis de retour dans le groupe en tant que membre officiel, mais à l'arrière de la console. Okay. Fait que, c'est sûr que dans un futur, je veux, Je vais continuer toujours de faire les albums, puis éventuellement, j'aimerais ça me remettre peut-être à créer certains riffs, des choses comme ça. Ouais. Fait que, quand même, toujours contribuer dans l'essence musicale du band. Justement, ça me fait penser à un groupe hollandais qui s'appelle Textures. Je ne sais pas si tu les connais. Ça me dit quoi, oui, c'est un band tech, c'est du ouais. technique. Là, ouais, un petit peu à la Meshuggah sur les bords, un petit peu fusion. Je parle de ça parce que le main man, guitariste de ce band-là, a fait le switch justement derrière la console, un peu comme toi. Ça me faisait penser à ça. Je pensais à toi quand j'ai lu cette information-là. C'est drôle. Sur la dernière tournée, on est allé faire une run aux États, puis le soundman de Whitechapel, qui a eu un accident, puis malheureusement, il est paralysé d'un bras, donc il ne peut plus jouer de la guitare. Fait que c'est lui qui mixe aussi son propre band, tu sais. Fait que c'était comme. Les deux, on jasait de ça, tu sais. C'est spécial, c'est quand même un privilège de pouvoir le faire. Moi, je me rappelle, comme à toi, j'ai eu la discussion avec Pierre Mignard. Comme quoi, je lui disais que mon rêve serait de mixer Oblivion, puis il me disait que son rêve à lui aussi c'était de mixer Oblivion. Fait que je vis un peu ce genre de trip, en parenthèse égoïste-là, tu sais, de vouloir mixer son propre band, puis tu sais, les tunes, je les connais par cœur, je les ai enregistrées, on a passé des heures et des heures à les peaufiner, fait que en même temps, je pense que je suis un meilleur membre avec moi en arrière de la console que sur le stage. Tu sais, parce que j'ai l'impression que je peux apporter plus au band en tant que soundman qu'en tant que guitariste. Ouais. C'est drôle que tu parles de Pierre, parce que Pierre Émillard, parce que dans la dernière émission, on faisait un spécial sur les concerts mémorables. Puis j'ai souligné un show que Oblivion avait donné au Ritz à Val-d'Or 95 pour le lancement de Cybervoid. Je n'étais pas là, mais je l'ai entendu parler. Oui. Puis, j'ai fait mention d'anecdotes, parce que je voyais tout le temps Pierre qui regardait sur son épaule droite en jouant. Il regardait son espèce de rack mount là, sur son cabinet, là, tout le temps. Puis, il donnait l'impression vraiment, justement, que s'il aurait pu être en arrière de la console en même temps, il l'aurait fait, là. Ah ouais, c'est sûr. Écoute, je suis 100% convaincu. Ouais. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, je me trompe pas. Oui, exact. C'est drôle, c'est un addon comme ça. Yeah. m'ennuie énormément de jouer cette tune-là en show. C'est quelque chose qui m'habite profondément. Tu sais, j'aimais tellement ça sur le stage avec les boys, puis de pouvoir donner des coups de pied et des coups de guitare. Je me rappelle justement à Québec, à l'Impérial, c'est ça, en 2014, on avait fait un show à l'Impérial, puis j'avais été faire une toune. Puis moi, entre 2007, quand j'ai quitté, puis 2010, quand le band a arrêté, le boom s'est fait là. Tu sais, le gros boom de Despise s'est passé dans ces années-là. Donc, j'ai pas vu évoluer la scène. Fait que moi, quand ma dernière tournée j'ai faite, c'était des death metal avec les bras croisés en avant du stage, tu sais, qui nous jugeaient. Puis là, soudainement, Despise était devenu cool, puis il y avait des petites filles de 14 ans avec des t-shirts de Despise qui venaient en avant, puis qui criaient. J'étais comme, mais tu moutes dans ma tête, ça marche pas. Tu sais. Fait qu'à Québec, j'arrive sur le stage, j'ai toujours eu quand même une petite attitude de tout plus hardcore sur le stage, tu sais. Ouais. Il y avait des petites gangs de filles, je dirais, tu sais, pour moi, peut-être 18, 19 ans, mais tu sais. Ouais. Non, ben, absolument pas du tout. J'avais jamais vu ce genre de crowd-là, tu sais. Ouais. Fait que je les ai spotés, puis j'étais allé lui faire semblant de les de les violenter à coups de pied pour rire. Tu sais, je regardais les gars sur le stage, puis j'étais là, où je comprends rien, qu'est-ce qu'ils font là, puis il y avait juste l'air de dire, c'est qui le méchant monsieur, là, tu sais. Fait que je trouvais ça bien drôle. Fait que pour moi, c'était comme un clash monumental entre ce que j'ai vécu, ce que c'était devenu, tu sais. Fait que... Ça m'a marqué cette image-là, puis je me rappelle encore, t'avais Chapu, Sébastien Chapu d'Ayan, je pense, puis Antoine d'Ayan qui était backstage, puis je l'ai regardé, puis je riais, puis j'étais comme, aïe, man, je comprends pas, c'est quoi ça, c'est quoi qui se passe, ça, c'est une drôle d'anecdote, mais tu sais, c'était de bon cœur, là, j'étais pas là pour blesser personne, là, tu sais. Oui, parce que je te voyais venir un peu avec ça, parce que je t'avais déjà vu, je pense que c'était sur un petit bar sur Papineau, un show, à peu près une dizaine d'années. C'était la première fois, je pense, que je te voyais avec Despise, puis tu nous donnais des méchants coups de hache, en tout cas, sur le stage. Exact. C'est ça, j'avais une attitude, justement, peut-être un petit peu plus hardcore, fait que moins la pose de metal classique, là, tu sais, à la Jack Owen, là, mais c'est ça, fait que j'apportais peut-être cette énergie-là un peu plus à cette époque-là. Je me serais sûrement calmé, parce que en vieillissant, on se rend compte que le cou, il suit plus, puis mais c'est ça, tu sais, fait que c'est vraiment des belles années, puis j'ai des souvenirs marqués à jamais dans toutes ces années-là, c'était magique. Là. Je pense qu'on a le temps pour parler, pour une dernière question, parler un petit peu du recording du dernier album, parce qu'il y avait clairement une intention de revenir aux sources, mais d'une certaine manière. Oui, exact. Ben, en fait, c'est un peu mon... Parce que quand j'ai lâché Despise, puis la famille de mon côté grandissait. J'ai quand même 4 jeunes enfants. Donc, j'ai tranquillement, pas vite, délaissé un peu les grosses productions. Tu sais, les productions qui prenaient 1 mois et demi, 2 mois à réaliser, parce que je trouvais ça exigeant. Oui. Puis sur la famille et tout ça, c'était difficile. Fait que par défaut, j'ai commencé à travailler avec des bandes peut-être plus rock, qui demandaient moins de peaufinage et de travail. Puis je me suis rendu compte en travaillant avec ce genre de groupe-là qu'il y a une énergie spontanée qui existe. Puis tu sais, de pas overproducer quelque chose. Oui, tu sais, oui. C'est vraiment de réussir à entendre le musicien au travers de sa guitare, à travers son tombe de guitare, à travers son drum. Fait que c'est cette école-là de laisser aller, puis de travailler le feeling et la performance du joueur, à place de dire que c'est une performance d'ordinateur, tu sais, parce que n'importe qui est capable d'éditer une guitare un track de guitare ou un drum, mais tu sais, c'est le jour où ce que tu pousses le musicien, puis tu le laisses jouer, puis tu fait que c'est vraiment ça que je voulais réussir à ramener avec Despise, donc tu sais, le côté peut-être plus raw, tu sais, ça reste que c'est une production qui est clean et défini, mais ça reste que cet album-là a pris 3 ou sinon 4 fois moins de temps à faire que toutes les autres qu'on a faites depuis le début du temps. Oui. Tu sais. On a fait les drums en 3 jours, les guitares, guide, bass, puis pratiquement toutes les tracks à Steve en 7 jours. Fait que on avait, en 10 jours, on avait pratiquement l'album au complet de traqué. Puis à l'époque, on avait 11 tunes ou 12 tunes sur l'album, juste la guitare prenait ça. C'était une tune par jour. Okay. Donc, tu sais, sur une production, mettons, de 12 tunes, ben, on avait, là, en tracking, on avait facilement entre 21 à 27 jours d'enregistrement. Donc, tu sais, le drum, ça prenait 2 semaines, tu sais, fait que c'était du travail acharné, là, tu sais. Fait que sur celui-là, moi, je suis parti avec l'idée, justement, plus raw, puis plus laisser aller, tu sais, je voulais laisser aller, tu sais, grind, je voulais pas l'arrêter, je voulais pas le je voulais qu'il s'exprime puis qu'il joue, tu sais, donc c'est vraiment cette approche-là que j'ai voulu recréer, puis on tu sais, avec les prochains, je veux pousser ça encore plus loin, tu sais, j'aimerais ça, là, sentir encore plus l'intention primaire d'un musicien et d'un dame qui joue ensemble. Là, j'en ai un peu fait ma mission. Là. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais, je réécoute des vieux albums de Suffocation ou des choses comme ça, tu sais. Parce que c'est pas parfait, puis c'est justement parfait dans le sens où t'entends le band jouer, t'entends l'intensité qui est jouée, puis que c'est ça que j'essaye, puis c'est ça que je veux réussir à ramener puis à recréer, là, parce que je trouve qu'on est dans un air de perfection. Ouais, ouais, ouais. C'est dénudé de feeling, là, tu sais, fait que pour moi, c'est plus juste avoir le plus gros son de guitare puis le plus gros son de drum. Ouais. Ce que j'aimerais recréer, c'est que quand tu pèses play, que le monde dise « Ah, ça c'est d'Espèce à conne » parce qu'ils sentent un aura autour de la production puis du band. T'sais. Slayer va rester Slayer, que ce soit en 2035 ou en 89. Là, tu vas avoir la hang et la même drive est quand même toujours là. Tu sens que les gars ont toujours joué pour de vrai puis que c'est senti. Donc, c'est vraiment ce côté-là que je veux ramener avec d'Espèce. Puis, ce serait le fun que ça fasse des petits, ce genre d'approche-là, tu sais, parce que je trouve qu'on s'éloigne du but primaire de jouer de la musique. Là, absolument. Je te donne bien raison là-dessus, parce que je pense qu'on est vraiment dû pour que, tu sais, c'est un site qui va se terminer, puis on va pouvoir remettre à l'avant-plan, puis pour le bénéfice aussi des auditeurs, tu sais. J'ai l'impression que l'auditeur va arrêter de se laisser biaiser par la production, tu sais, comment de fois j'ai entendu des gars dire « Hey, ça, sur l'album, c'est fou, mais en show, c'est de la merde, tu sais. » Fait t'sais, si t'es pas bon, ben tu l'enregistres pas l'album, t'sais, ou tu t'en vas pratiquer. C'est aussi simple que ça. Maintenant que la technologie, c'est ça le problème, c'est que les gars composent avec Guitar Pro puis des drum machines. Fait qu'ils arrivent en studio, puis au final, c'est le drum machine qui est joué, puis ils vont refaire des vrais cymbales par-dessus pour essayer de faker un minimum de vrai. T'sais, je l'ai fait par le passé, je l'ai fait plein de fois, mais t'sais, je vais plus faire ça. Je veux entendre. Je veux entendre le musicien jouer, je veux entendre le gars qui rentre sa parole de vocal, puis qu'à la fin, là, tu sens qu'il a tout donné. Tu sais, c'est un défi, parce qu'avec Despise, étant donné que c'est quand même extrême, donc tu sais, c'est de réussir à trouver des éléments, puis des trucs, puis une nouvelle méthode de travailler pour faire en sorte d'être capable de ressortir ce genre de détails-là, ce genre d'énergie-là. Tu sais. Pour ramener l'authenticité, puis la spontanéité. Exact. Ouais. J'en fais mon plus prochain. Ta mission, ouais. Ma mission. Ben, écoute, Yannick Saint-Amand, merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance dans tes projets qui s'en viennent, que ce soit avec Despise Icon et Slingshot Brothers. Yeah, merci beaucoup, merci. À la prochaine. À bientôt. Bye. I get it, fade away. You're a death alone by your friend, and you are the witness. Ce mon oncle Serge. Me demandais au sacrement ce que je crissais dans cette foule. Nous venons d'entendre, ben en fait c'est pas vrai, on vient d'entendre mon oncle Serge dans ce super montage, mon oncle Serge qui, vous avez sûrement entendu parler ces jours-ci puisqu'il a fait, semble-t-il, une nouvelle pièce de Noël avec Anonymous. Oui, pour annoncer en par le fait même quelques concerts qui vont produire d'ici justement le temps des fêtes. Alors ça va être une occasion de les revoir probablement pour une dernière fois. On va sûrement en parler dans les prochaines semaines. Donc avant ce spot d'identification, comme je disais, on a eu Despise Icon avec Time Bomb, extrait de leur tout dernier Beast, paru le 22 juillet de cette année sur Nuclear Blast. Album qui avait été enregistré au Norton Studio, principalement, en tout cas à la base, et différents instruments dans d'autres studios ici à Montréal, et mixé également en Angleterre par une autre que Andy Sneap, qui est une des idoles de notre ami Yannick Saint-Amand, avec qui on a eu cette conversation. Et on a eu une autre pièce de Despise Icon avant ça, durant ce segment, justement. Le Chêne et le Roseau de leur album Consumed by Your Poison de 2003, leur premier album. Il est 7h15, vous êtes toujours sur le stream de Subversion sur Underground Québec Radio. Et on a le temps encore pour deux pièces. Puis c'est ça. Ben, on y va, on va y aller tout de suite avec une de ces pièces. J'ai choisi une chanson de Death de leur album Spiritual Healing, puisque pour souligner, en fait, c'est cette superbe réédition que je me suis procurée, que Relapse ont fait paraître, je pense que c'était en 2012. Ben, ça va en étonner plusieurs. Je ne m'étais jamais procuré en original, entre guillemets, cet album. J'ai toujours eu ça sur un tape en quelque part, Spiritual Healing. Pourtant, un de mes préférés de Chuck. Bref, ouais, ils ont fait paraître ça en 2012. Originalement, Spiritual Healing, évidemment, a paru en février 90. Et le line-up était composé à ce moment-là de James Murphy, Terry Butler, Bill Andrews. Et, ouais, mais Chuck lui-même, évidemment, qui nous a quittés en 2001. Ça avait été enregistré au Morris Sound, ou d'autres à Tampa Bay, produit par Scott Burns et le groupe Dead, évidemment. Bon, alors, trêve de blabla, allons-y avec cette pièce Altering the Future à Subversion sur Underground Québec Radio. Vous avez certainement reconnu Chuck Schuldiner et son groupe Death, de ce groupe floridien qui avait fait paraître ce troisième album en 1990, Spiritual Healing, Spiritual Healing, de cette très belle réédition par Relapse Records. Alors, on a entendu Altering the Future, une des bonnes pièces, ce qui constitue un de mes albums favoris par ce groupe, sans aucun doute. Avant de passer à la dernière pièce, qui est une pièce de Van Halen que j'ai choisie pour justement commémorer la révélation qu'a eu Martin Pelletier face à cet album Van Halen 1 qu'il s'était procuré et l'a incité à apprendre cet instrument, la guitare, et de très belle façon. Je vous avais dit tantôt que je vous lirais un extrait d'une review concert que j'avais fait pour Onde Choc en 2013. Suite à cette un show qu'ils ont fait au Bistrot de Paris le 31 mai 2013. Je vous en lis un extrait. Faut savoir qu'ils ont commencé avec des pièces comme Demerol, Slavery et Buzz, qui donnaient un peu comme un qui imprégnaient l'endroit d'une matière plus rock mais très convaincante. Aussi la pièce C'est comme ça, entre autres, sont interprétés par des musiciens aguerris menés au front par un remarquable entertainer, Martin Pelletier, guitare et voix, qui de manière efficace viole les conventions avec un timbre frisant, parfois Bon Scott des CDC, John Connelly de Nuclear Assault et un pitbull bien dressé. Habile avec l'auditoire, il s'engueule même avec un spectateur via sa sympathique figure style un peu George Clooney sur les bords qui baigne dans un éclairage minimal et de s'écrier « Bruno, ta gueule, tabarnak! » Et soudainement, l'accélérateur est collé au plancher. Le band switch radicalement dans la période de leur démo 89 et c'est dans ta face en crisse. On ne rit plus, on a presque la gueule à terre devant l'exécution de The Affected, Shut Up and Roll et particulièrement Culture Shock, où l'instrumentation saccadée et presque fusion qui se prolonge pourrait laisser croire que Veermach et Suicidal Tendencies ont déjà fait des petits. Stéphane Gauthier se révèle brillamment dans cette pièce avec les brefs solos de basse. Il est sur la coche, comme on dit. Mike Cope, guitare ex-Lankmar, prend aussi possession du micro et se permet de blower quelques solos étonnants. Louis Bélanger est impeccable sur les drums et grimace beaucoup sa vie dans l'accomplissement de sa mission, même en chantant durant Blitzkrieg, le YouTube du groupe britannique Blitzkrieg, rafraîchi plus tard par Metallica. Une belle façon de terminer un beau flashback dans un concert intime où se trouvaient quelques vieux chums, notamment Vincent Peak, qui ont vécu la période avec le fameux show du lundi noir au Spectrum, où les affectés s'étaient produits avec Soothsayer, DBC et les fourmis débossées, Groovy Aardvark. And Bruno answered back, ta gueule! Bon, c'était mes impressions de ce concert de The Affected au Bistrot de Paris, le 31 mai 2013. On y va avec cette dernière pièce de Van Halen. J'ai choisi de cet album, volume 1, Van Halen 1 plutôt, I'm the One. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Show your love, hey, give it to me. I see and know that fills this room. C'est le temps de se quitter sur cette pièce de Van Halen, I'm the One, de leur premier album de 1978, que je dédie particulièrement à Martin Pelletier et en le remerciant pour l'ensemble de son œuvre, évidemment, et pour les bons souvenirs. Nous, on se voit la semaine prochaine. On va avoir les membres de Barf en entrevue ainsi que Vincent Pic également. Et bon, d'ici là, portez-vous bien. On revient avec plus de musique subversive. Spread the word pour Subversion. Page SoundCloud, Facebook, tout ça. Donc, à la prochaine. Salut.